Oui, rien n'a retenu son esprit en balance. Elle a fait vanité de son obéissance. Son cœur, pour se livrer à peine devant moi, s'est-il donné le temps d'en recevoir la loi et semblait suivre, moi, les volontés d'un père qu'affecter de braver les ordres d'une mère. Je lui montrerai bien aux lois de qui des deux les droits de la raison soumettent tous ses voeux et qui doit gouverner, ou sa mère ou son père, ou l'esprit ou le corps, la forme ou la matière. On vous en devait bien au moins un compliment. Et ce petit monsieur en use étrangement de vouloir, malgré vous, devenir votre gendre. Il n'en est pas encore où son cœur peut prétendre. Je le trouvais bien fait, j'aimais vos amours. Mais dans ses procédés, il m'a déplu toujours. Il sait que, Dieu merci, je me mêle d'écrire. Et jamais il ne m'a prié de lui rien lire.